Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire de Vincent Humbert. Ce jeune homme de 21 ans, tétraplégique, aveugle et muet, qui demande un jour de novembre 2002 au président Jacques Chirac le droit de mourir. On le lui refusera, sa mère l'aidera. Évidemment, cette affaire résonne avec celle qui concerne Vincent Lambert, du nom de cet homme en état végétatif depuis 2008 et dont l'hôpital de Reims a arrêté les soins le 21 mai dernier, avant que le jour même la cour d'appel n'ordonne de les reprendre. Terribles atermoiements qui illustrent le parcours de la loi sur la fin de vie. Loi Leonetti d'abord, puis loi Claeys-Leonetti, discutée au Parlement en 2015 et votée en 2016, qui instaure un droit à la sédation profonde et continue, mais qui n'autorise toujours pas l'euthanasie ni le suicide assisté en tant que tel et en tant que droit. Alors, faut-il acheminer les malades jusqu'à la mort s'ils le souhaitent, dès lors que plus rien n'est possible, ou pas ? La loi 2005, qui marque de réelles avancées, ne répond pas à toutes les questions, la preuve. Le sujet est hautement sensible, car il est le télescopage de plusieurs logiques, religieuses, philosophiques, politiques, culturelles, médicales bien sûr, mais c'est surtout cette question fondamentale. A-t-on le droit de prolonger la vie d'une personne dont les jours ne sont que souffrance et sans espoir? Au nom de quel principe doit-on s'arc-bouter sur le respect de la vie quand la douleur ou le handicap constituent justement la négation de la vie? Autrement dit, va-t-on cesser un jour de condamner à vivre? Je vais vous préciser également que l'histoire de Vincent Humbert, que vous allez entendre, s'inscrit dans le cadre de notre rediffusion hebdomadaire. C'est la raison pour laquelle l'actualité autour de Vincent Lambert n'est pas abordée dans l'interview de notre invitée, Véronique Fournier, qui dirige depuis 2003 le centre d'éthique clinique de l'hôpital Cochin. Elle est l'auteur d'un livre sur cette question intitulé « Puisqu'il faut bien mourir ». Vous entendrez également un reportage d'Annaëlle Verzeau qui a recueilli le témoignage d'un homme atteint d'une maladie incurable qui, comme Vincent Humbert il y a 16 ans, s'interroge sur sa propre mort. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice L'Aigle. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Berck-sur-Mer, novembre 2002. Ici, au bout de la ville, près des dunes de sable, s'érige le centre Hélio-Marin. Il est l'un des 6 établissements qui compte plus de 3000 lits. Pour le monde hospitalier et celui des malades, Berck n'est pas seulement le nom d'une station balnéaire de la Côte d'Opale. C'est une étape pour certains malades dont le corps a été brisé. Ici, aux abords de la plage, blouses blanches, chaises roulantes et cerfs-volants cohabitent. Dans chaque chambre de ce centre hospitalier, Hélio-Marin, spécialisé dans les blessures crâniennes et la rééducation, une vie, un jour, a basculé. Après un accident, les patients arrivent ici. Dans chaque chambre, c'est une course contre le temps qui se joue. Pour certains, peu à peu, grâce aux médecins, aux familles, au temps, justement, certains réapprennent à vivre autrement, avec le handicap. Pour d'autres, il n'y a plus d'espoir, plus de chemin vers une autre vie. La médecine ne peut plus rien, à part la mise en place d'une machinerie de survie qui permet aux patients de maintenir la tête hors de l'eau. C'est le cas de l'homme de la chambre HA-125. Tétraplégique, aveugle et muet, il est allongé, là, dans ce lit depuis maintenant près de 2 ans. Enfermé dans son corps, il ne peut trouver seul un chemin vers la mort. Il décide alors d'interpeller le président de la République avec une lettre qu'il dicte grâce à son pouce. Durant de longues heures, il transmet consonne après consonne, voyelle après voyelle, sa demande, qui commence par ces mots. Monsieur Chirac, tous mes respects, monsieur le président. Je me présente. Je m'appelle Vincent Humbert, j'ai 21 ans. J'ai eu un accident de circulation le 24 septembre 2000. Je suis resté 9 mois dans le coma. Je suis actuellement à l'hôpital Hélio-Marin à Berck, dans le Pas-de-Calais. Tous mes sens vitaux ont été touchés, à part l'ouïe et l'intelligence, ce qui me permet d'avoir un peu de confort. Je bouge très légèrement la main droite en faisant une pression avec le pouce à chaque bonne lettre de l'alphabet. Ces lettres constituent des mots et ces mots forment des phrases. C'est ma seule méthode de communication. J'ai actuellement une animatrice à mes côtés qui m'épelle l'alphabet en séparant voyelles et consonnes. C'est de cette façon que j'ai décidé de vous écrire. Les médecins ont décidé de m'envoyer dans une maison d'accueil spécialisée. Vous avez le droit de grâce. Et moi, je vous demande le droit de mourir. Cette lettre est postée le 30 novembre 2002. En attendant la réponse de Jacques Chirac, cette demande dépasse le seuil de la chambre de Vincent, car un journaliste de la presse locale décide, avec l'accord de sa mère, de la publier. Puis c'est Frédéric Veil, reporter de France Soir, qui fait de cette lettre la première page de son journal le 16 décembre 2002, avec ces mots « Monsieur le Président, je vous demande le droit de mourir ». Un titre choc et une photo de Vincent. On ne voit ni lit d'hôpital, ni fauteuil, non, juste une photo de l'ancienne vie, celle d'avant l'accident. Le visage d'un garçon, comme tous les garçons de son âge, les cheveux un peu en l'air, une peau encore juvénile et une boucle d'oreille. À Berck, les jours qui suivent, aux côtés des ambulances, ce sont les carragis que l'on voit débarquer sur la côte. Journalistes, reporters, tous souhaitent rencontrer ce jeune homme. Certains pour comprendre, d'autres pour sentir l'odeur de la mort. Ils ne verront rien, rien de lui, rien de sa chambre. À part sa mère, Marie, qui accepte de jouer le rôle de porte-voix de son fils. Seule, face à la caméra, elle explique les raisons de la demande de Vincent. Comme il me dit, je sens mon corps, je sais comment est mon corps. Maman, arrête de me prendre pour un imbécile. C'est pas le terme, mais bon. Arrête de me prendre pour un imbécile. Je sais très bien que je ne remarcherai jamais. Moi, au début, ben, je me mettais en colère contre lui. Je lui disais, non mais arrête, c'est n'importe quoi, on va y arriver, on va y arriver. Moi, je l'aime. S'il me dit, demain, maman, je veux continuer à vivre, ben, je ferai tout pour. S'il me dit, maman, ben, je veux mourir, ben, je ferai comme il veut de toute façon. Les sentiments personnels ne rentrent pas là-dedans. C'est pas... C'est lui, c'est pas moi. Alors, quand Vincent trouvera-t-il un chemin vers sa mort? Qui l'accompagnera? Qui le libérera de ses souffrances? Cette chambre HA125, c'est le pays de Vincent, le territoire où il demeure chaque jour. Il est là, soit dans le lit, soit sur le fauteuil. Dès son arrivée à Berck, il ne se rappelle rien. À l'époque, il était encore dans le coma. C'était le 28 octobre 2000. Depuis cette date, Marie, sa mère, est là, chaque jour, de 19h30 à 19h. Sur le mur, elle a affiché sa vie passée, ses instants de bonheur gravés sur la pellicule. Vincent est son troisième garçon. Il est le clown de la fratrie, mais aussi celui de la caserne. Depuis ses 11 ans, en effet, il est pompier volontaire. Il veut en faire son métier, à Paris. Il a 19 ans, la vie devant lui. Mais elle s'arrête brusquement le 22 septembre 2000. Ce jour-là, Vincent est de permanence à la caserne. Il ne devait pas travailler, mais il remplace un ami retenu pour un baptême. En fin de journée, après un verre avec des amis, sa petite amie Caroline l'appelle pour lui demander de rentrer. Il se lève, monte dans sa Clio, mais sur la route, il croise un camion bien trop gros pour permettre un passage à deux dans le virage. Alors Vincent se décale un peu sur le bord. C'est là que son pneu aurait crevé, l'emportant directement sous les roues arrière de la remorque du camion. 19 années sans un souci, sans un excès de vitesse qui s'arrête là, brusquement. Certains appellent cela le destin, notion un peu absurde qui vient combler le fossé de l'inexplicable. À l'arrivée des secours, ses amis pompiers le découvrent presque mort, encastré dans sa voiture. Il y a des mois, Vincent était avec eux quand ils découvraient Eric, leur copain motard, tué sur une route identique. Dans cette Clio, c'est la vie de Vincent qui s'en va. Ensemble, ils le désincarcèrent, puis le maintiennent en vie jusqu'à l'arrivée du SAMU. Quand Vincent arrive au CHU de Rouen, toute sa famille est là. Son père et sa mère, ses deux frères et Caroline. Pendant 3 jours, durant de multiples opérations, le réanime à plusieurs reprises. La vie de Vincent hésite à s'échapper. On lui retire la rate, on lui répare le poumon, on lui recoue le foie et on traite un œdème dans sa boîte crânienne. Après l'avoir stabilisé, les médecins rassemblent la famille et annoncent qu'il vivra. Certes, dans le coma, sans doute incapable à vie de bouger, de parler, de voir. Pourtant, selon la science, selon le bip-bip de l'électrocardiogramme, Vincent est en vie. C'est à ce moment-là qu'on décide de l'emmener à Berck, où il sera suivi. Malgré le diagnostic, Marie, sa mère, ne lâche rien. Pendant 9 mois, elle vient chaque jour, lui parle, le masse, effectue les petits gestes qui pourraient le ramener à la surface. L'entend-il? Elle le pense, bien sûr, même si les médecins lui disent le contraire. Mais étape après étape, Vincent sort de l'ombre. Un premier sourire court, puis un second, 15 jours plus tard. Puis c'est son pouce qui bouge. Pendant de longues journées, elle tient sa main droite et l'interroge, le questionne. Vient ensuite le temps de l'alphabet dicté. De son accident et de sa vie avant la catastrophe, Vincent a presque tout oublié, dont l'alphabet justement. Tétraplégique, muet, les yeux cousus, seul le son de la voix de sa mère et ce pouce lui permettent de communiquer. Alors, Marie décide de tout lui réapprendre, comme Vincent le racontera plus tard dans son livre. Alors pendant de longues semaines, elle m'a rabâché les lettres de l'alphabet. Je l'entends encore. A, B, C, D. Et elle recommençait encore et toujours. A, B, C, D. Le soir, elle n'avait plus de voix tellement elle était déshydratée, à force de m'avoir parlé et d'avoir énuméré consonnes et voyelles. Puis elle a commencé à me dire des mots en les décomposant, puis plusieurs mots à la suite. Et quand j'avais compris le mot, je lui faisais voir. Une pression pour oui, deux pressions pour non. Le 3 mai 2002, il arrive à construire cette phrase. « Maman, je suis content que tu sois là. » Ce sont ses premiers mots reconstruits, lettre par lettre, grâce à la pression de son pouce. Le docteur n'en revient pas, mais oui, Vincent peut de nouveau communiquer, jour après jour. Des petits mots ont été inscrits sur des cahiers à spirale, des mots pour s'échapper de ce corps, mort, pour retrouver des souvenirs de la vie passée, pour imaginer un futur peut-être. Pourtant, cette victoire importante, grandiose, est la seule. Car à part ce pouce, rien ne bouge. Et à la fin du mois de septembre 2002, le docteur annonce à sa mère que désormais Vincent a atteint le plafond de verre. Il restera ainsi toute sa vie. Il n'y a plus d'espoir d'évolution. Vincent doit désormais accepter ou non de vivre ainsi, accroché à la vie par des machines, accepter qu'on le lève, le lave, qu'on surveille sa sonde, qu'on l'habille, qu'on le rende présentable. Et puis un soir, avant que sa mère s'en aille, Vincent annonce son choix. Voyant que ma mère ne voulait pas entendre ce que j'avais à lui dire, alors que cela faisait plusieurs minutes que je bougeais mon pouce, je me suis mis à taper ma main contre les barreaux de mon lit. J'ai tapé pour qu'elle entende, pour qu'elle m'entende avant de partir. Je voulais lui dire ce que mon cœur avait envie de hurler. J'ai tapé si fort mes phalanges sur la barre en inox que le sang s'est mis à couler. Alors, voyant ce sang couler, elle a pris ma main meurtrie et je lui ai dit « Maman, je veux mourir ». La mort de Vincent, ses proches pensaient y avoir échappé le soir du 24 septembre 2000. Pourtant, elle était bien là, en sommeil. Ensemble, Vincent, sa mère, son père et ses frères l'ont apprivoisé, l'ont invité à s'installer à la table de leur conversation. La mort, cet inconnu, fait partie de leur vie. Chez les Humbert, après lui avoir trouvé une place au sein de la famille, on s'interroge sur les moyens de lui ouvrir un chemin. C'est ainsi que Vincent a l'idée d'écrire cette lettre au président pour lui demander le droit de mourir. Dès sa publication, l'émoi est national. L'histoire de Vincent Humbert bouleverse les Français et la classe politique. Le lendemain, le président décide de prendre la plume. Il parle de son émotion, transmet à sa mère une invitation à l'Élysée, lui promet de trouver de nouvelles aides pour son confort, mais il ne peut accorder ce que lui demande Vincent, car il n'en a pas le droit. Quelques jours plus tard, Marie rencontre Jacques Chirac ainsi que la première dame et sa fille longuement. De cette rencontre, Marie ne revient avec aucune réponse. Une simple promesse, celle de faire le point dans 6 mois. Dans le même temps, le ministre de la Santé, Jean-François Mattéi, réaffirme son refus de légiférer sur l'euthanasie. Il explique qu'il ne faut pas céder, qu'il y a d'autres réponses que la mort. En envoyant cette lettre au président, Vincent s'adresse en fait à tous les Français, mais aussi à leurs élus, eux qui hésitent, se méfient de ce qu'on appelle l'euthanasie. À l'époque, seuls 3 pays de l'Union européenne l'autorisent. Les Pays-Bas sont les premiers à la légaliser sous certaines conditions. Puis la Belgique, en septembre 2002, quelques mois avant la lettre de Vincent, autorise le suicide assisté en l'encadrant strictement. En Suisse, le suicide assisté est autorisé et géré par des associations privées. Aller à l'étranger, chez nos voisins européens, c'était le plan B de Vincent. Mais pour cela, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Alors, le plan C, la dernière possibilité, c'est sa mère. Le plan C, je l'avais clairement établi. Je veux mourir. Je veux mourir. Je veux que l'on mette fin à mes jours. Et c'est maman qui va le faire. Maman, puisque tu m'aimes, c'est toi qui vas me tuer. Il faut que tu fasses cela pour moi. Elle avait juré de m'aider. Elle était ma dernière solution. Je sympathise avec des gens âgés venus d'Orient. On ne parle pas, ils sont sourds. On se regarde, on fait l'amour. Je te manque, c'est certain. Septembre 2003, Bergsorner. À la veille de la sortie de son livre, écrit à la force de son solo pouce avec le journaliste Frédéric Veil, comme tous les jours, la mère de Vincent est au chevet de son fils. Pour lui, elle a tout quitté, ville, amis, travail. Elle vit dans un appartement en face du centre. Quand elle n'est pas avec lui, elle fait des ménages et apporte son aide aux personnes âgées. La semaine dernière, elle a fait la tournée des plateaux télévisés portant la voix de son fils, dont le livre doit sortir le 25 septembre. La veille de cette publication, cela fait 3 ans, jour pour jour, que son enfant a eu ce terrible accident qui l'a rendu tétraplégique, muet et aveugle. Ensemble, ils ont réappris à parler et à assumer le poids de la vérité. Désormais, c'est allongé sans un mot ni un geste que Vincent devra vivre. Ensemble, ce 24 septembre 2003, ils vont s'octroyer un droit, celui de mourir. Vers 17h30, avec la machinerie de survie de son fils comme seul témoin, Marie lui injecte une importante dose de pentobarbital de sodium dans le tuyau qui le nourrit. Marie, qui lui a offert la vie 22 ans plus tôt, lui ouvre ce jour-là la porte vers son paradis blanc, celui qu'il demandait depuis plus d'un an. Les minutes passent, Vincent s'enfonce un peu, mais la mort hésite encore. Un infirmier entre, puis lance l'alerte. La science reprend ses droits, Vincent est placé en réanimation. Le lendemain, Marie est en garde à vue. Elle n'y restera que quelques heures. Son geste fait la une. Comme un an plus tôt, les journalistes débarquent de nouveau sur les plages de Berck. Vincent, lui, est entre les mains des médecins qui peuvent le détourner de cette mort qu'il souhaite tant, ou bien l'accompagner eux aussi vers cette fin de vie. Devant les micros, le docteur Frédéric Chaussois, chef du service réanimation du centre, annonce le choix de son équipe aux journalistes. Compte tenu du tableau clinique, de l'évolution et des souhaits qu'avaient exprimés les différentes reprises Vincent, elle a décidé de limiter les thérapeutiques actives. L'équipe médicale, qui l'a accompagné pendant 3 ans, a pris cette décision collective et difficile en toute indépendance. Vincent meurt le lendemain. Le même jour, 2 informations judiciaires sont ouvertes. L'une contre sa mère, l'autre contre le médecin. Désormais, les représentants de la nation ne peuvent plus faire comme si rien ne s'était passé. Dans son livre, qui sort un jour après sa mort et dont vous avez entendu des extraits, Vincent raconte sa vie entre parenthèses, enfermé à l'intérieur d'un corps qui ne répond plus, bloqué, sans issue, à l'intérieur d'une vie qui n'en porte que le nom. Cette fin, il l'avait imaginée. À la dernière page de son livre, il conclut par ces mots. Ne jugez pas. Ce qu'elle aura fait pour moi est certainement la plus belle preuve d'amour au monde. Ce qu'elle a fait depuis mon accident, je voudrais que toutes les mères dans la même situation le fassent. Avec autant d'insistance, autant de persévérance, autant d'amour. Demain, si par malheur, frappé comme elle par le destin, vous deviez apprendre notre alphabet spécial pour communiquer avec votre enfant, ne pensez pas à moi. Pensez à elle. Pensez à tout ce qu'elle a accompli pour moi. Pensez à tout l'amour qu'une mère doit avoir en elle pour aimer autant. Et laissez-la vivre en paix, le semblant de vie qui lui reste à vivre. Pour ses obsèques, comme pour sa mort, Vincent avait tout préparé, la musique et le lieu, ici, à Berck. Aux côtés des proches, de la famille et des amis, des centaines d'inconnus sont venus aux abords de l'église pour l'accompagner dans ce dernier moment. Grâce à lui et à sa mère, le débat sur l'euthanasie reprend et assaillit les consciences. Qu'aurais-je fait à la place de Marie? À la place du médecin? Selon les sondages, une grande majorité de Français se déclare pour la légalisation de l'euthanasie dans certaines conditions. Côté politique, tous hésitent à franchir le Rubicon. À droite, comme à gauche, les positions divergent. Mais certains brisent l'omerta, comme Bernard Kouchner, ancien ministre de la Santé, qui approuve le geste du docteur comme celui de la mère. Je considère qu'il s'agit d'un geste d'amour, terriblement réfléchi, longtemps, entre les deux, la mère et le fils. Et malgré l'illégalité de mon propos, je ne peux que l'approuver, puisque rien d'autre n'a été possible entre les médecins, primitivement, jusqu'au président de la République. Faut-il une loi? Moi, je pensais que nous pouvions arriver à un code de conduite, à une façon, ensemble, avec les familles, avec l'équipe médicale dans son complet, à trouver un chemin à la française qui ne soit pas trop rigide. Peut-être me suis-je trompé, peut-être faudra-t-il une loi. Mais en tout cas, les réanimateurs sont venus me demander, eux qui, une fois sur deux, monsieur, débranchent les machines. Et ça, c'est un acte qui ressemble à l'homicide au terme de la loi. Et pourtant, ça n'en est pas un du tout. Alors peut-être faut-il changer la loi. Mais la question est d'autant plus sensible qu'elle est philosophique. Ce sont deux conceptions de la vie qui s'opposent. C'est pas facile de trouver un consensus. Ah oui, mais alors là, pardonnez-moi. Ça, c'est affaire de chacun. On a le sentiment que s'il y a une loi à propos de cette fin de vie, on va devoir l'appliquer et tout le monde sera obligé d'en terminer en faisant des piqûres aux malades. Mais pas du tout, tout le monde est libre. Personne n'est obligé, mais il y a les forces de la raison. Il y a des gens qui croient au ciel, des gens qui n'y croient pas. Il faut entre les deux trouver une solution humaine. Madame Humbert nous a beaucoup aidés. En attendant le législateur, c'est la justice qui entre en scène. Le 27 octobre, près d'un mois après la mort de Vincent, le procureur de Boulogne-sur-Mer annonce l'ouverture d'une information judiciaire visant Marie Humbert et le docteur Chaussois. La mère de Vincent est accusée d'avoir administré des substances toxiques avec préméditation et sur personnes vulnérables. Le docteur Chaussois, lui, est accusé de faits de nature criminelle qualifiés d'empoisonnement avec préméditation. Il encourt la réclusion à perpétuité. Le soir même, au journal de 20h, il explique son geste. Bien, ce soir, je suis choqué. Choqué, bien sûr, par les termes que j'ai entendus. J'ai entendu parler de crime, d'empoisonnement, de préméditation, de cour d'assises. Et bien sûr, je suis effondré. Je suis un médecin responsable qui a apporté un soulagement à la souffrance de son patient, de sa famille et dans le cadre de la déontologie qui a été totalement respectée. Alors il faut dire que c'était vraiment une décision collective avec toute votre équipe. Oui, bien sûr, c'est une décision collégiale qui a été prise en pleine sérénité, sans aucune pression extérieure, dans un contexte, c'est vrai, médiatique important, mais cette décision a bien sûr été prise de façon collégiale. Au sein de la majorité, même si quelques voix s'élèvent, Jean-Pierre Raffarin souhaite clore l'affaire et déclare « la vie n'appartient pas à la politique ». Autrement dit, le Premier ministre refuse d'ouvrir le débat. Deux députés opposés décident, eux, de s'unir. Il s'agit de Gaëtan Gors, socialiste, et Nadine Morano, UMP. Tous deux réclament l'ouverture d'une commission parlementaire. Comme des milliers de Français, eux aussi ont été confrontés à une fin de vie. Le premier n'a pas réussi à aider son père qui souhaitait mourir. La seconde vit avec un père qui ne communique plus qu'avec les yeux après un accident vasculaire cérébral. En attendant l'avancée des travaux parlementaires, c'est à la télévision que le débat s'anime, comme sur le plateau de Mots Croisés, où Marie Imbert interpelle le ministre de la Santé, Jean-Claude Mattei. Comment fait-on alors, quand on a des enfants qui étaient comme mon Vincent, c'est-à-dire qu'ils ont toute leur tête, qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent pas parler, qui sont aveugles, qui s'expriment uniquement avec un pouce, et qui vous disent depuis 3 ans, qui crient à corps et à... je veux mourir, je ne veux plus de cette vie-là, maman, j'en ai marre, je souffre trop, je veux mourir. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là? Puisque pour eux, il n'y a rien alors. Ils ont beau être majeurs, ils ne veulent plus vivre. Ils souffrent de trop, ils ne veulent plus vivre. Qu'est-ce qu'on fait puisqu'ils ne peuvent même pas eux-mêmes faire quelque chose? Ne croyez pas un seul instant. On les laisse mourir tout comme ça? On ne fait rien parce que c'est la loi et qu'on n'a pas le droit? Ne croyez pas un seul instant que personne ne comprend et ne peut comprendre ce que vous dites. Tout au long de ma vie, j'ai été confronté à des situations de cette nature. Mais quand, pour un pays, pour une société, il faut établir des règles, il faut établir des règles générales, et ensuite, naturellement, on voit bien que chaque cas particulier ne trouve probablement pas la bonne place. Ce que je veux vous dire simplement, c'est que les parlementaires sont au travail. Je ne pense pas que nous puissions rester aujourd'hui dans l'état dans lequel nous sommes. Et précisément, une émission parlementaire sur l'accompagnement de la fin de vie dirigée par le député Jean Leonetti est ouverte. Marie Imbert et le docteur Chaussois, eux, sont toujours en examen, respectivement pour administration de substances toxiques et empoisonnement avec préméditation. 2 ans plus tard, un non-lieu général est prononcé. La réponse à cette affaire est votée le 22 avril 2005 à l'Assemblée. Ce jour-là, les députés votent la loi dite Leonetti, qui interdit toujours l'euthanasie dite active, mais qui prône le non-acharnement thérapeutique. Dans les faits, un patient peut refuser tous les traitements qui lui sont proposés, même s'ils lui permettent de vivre. Vivre. Si tout le monde salue l'ouverture des débats sur cette question importante, beaucoup de représentants médicaux et du monde associatif soulignent les limites de cette loi, qui permet notamment l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation. C'est le seul chemin autorisé pour les malades souhaitant mourir. Une mort longue, approximative, douloureuse psychologiquement. En fait, aucune maîtrise de sa mort n'est possible. Elle arrive après 7, 9, 11 jours. C'est le principe même de cette première loi. Laisser mourir, mais ne jamais faire mourir. Voilà le dilemme qu'on impose aux médecins et au personnel hospitalier. Depuis le vote de cette loi et la mort de Vincent Imbert, d'autres hommes et d'autres femmes ont pris la parole pour demander un droit à mourir. C'est le cas de Chantal Sébir en 2008, qui à 52 ans, atteinte d'un esthésioneuroblastome, une tumeur incurable, littéralement mangée par la douleur, comme elle le dit, demande à Nicolas Sarkozy le droit de mourir. Encore une fois, c'est la justice qui tranche. 2 jours après le rejet du tribunal de grande instance de Dijon, elle se suicide seule en absorbant une dose mortelle de barbiturique. Après ce drame, une nouvelle commission est mise en place. Des amendements sont proposés. Pourtant, aujourd'hui encore, 10 ans après le vote de la loi Leonetti, des gens demandent encore le droit de mourir parce que notre vie civile et politique est encore marquée culturellement par des dogmes qui revendiquent la vie à tout prix, quelles que soient les souffrances, et qui vont jusqu'à voir en elle, pour certains, une rédemption, approche cruelle, qui n'est que le contraire de la vie et du respect de l'humain. En 1975, il y a 40 ans maintenant, l'écrivain Romain Gary, visionnaire, s'exprimait sur ce douloureux problème dans l'émission Radioscopie avec des mots forts, des mots puissants. Laissons-lui précisément le dernier mot. Ce qui est affreux, ce qui est horrible, ce n'est pas la mort, c'est la façon dont on s'y prend pour vous faire mourir. Car la mort aujourd'hui, c'est les autres hommes qui vous infligent, même les médecins dans les hôpitaux, les tortures, le prolongement inutile. Je ne vous parle pas... Mais si les médecins tuaient, on les arrêterait. Bon, très bien. Alors, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Le médecin devrait le dire au malade, et l'euthanasie n'est pas là pour les chiens. C'est une question... que chacun doit résoudre selon sa conscience, et je comprends parfaitement que le médecin y répugne, comme certains répugnent à l'avortement, ça c'est une autre question. Mais là, une question individuelle, un homme qui ne peut pas être sauvé, un homme qui n'est qu'un tissu de souffrance, prolonger son ticket au-delà de toute limite, c'est un manque de charité et d'humanisme absolument outrageant, et c'est là que l'on transforme l'homme en un chien. Baby, won't you lay? Let's watch this water boil. Let the others run around. For once, baby, won't you lay down and watch this water boil. Let the others run around. Just this once. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le dossier Vincent Humbert avec notre invitée Véronique Fournier. Bonjour. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes médecin, fondatrice du Centre d'éthique clinique de l'hôpital Cochin et auteur d'un ouvrage intitulé « Puisqu'il faut bien mourir », édité chez La Découverte. L'on suit votre réflexion à travers différents cas que vous avez pu rencontrer ou étudier. Première question, en quoi l'histoire de Vincent Humbert change-t-elle la donne dans l'histoire de l'euthanasie en France, si tant est que le mot euthanasie soit un mot finalement acceptable? D'abord, une question de vocabulaire et ensuite la réponse à cette question. J'ai eu la chance de rencontrer Vincent Humbert. Il a accepté de me rencontrer, ainsi que Marie Humbert. Et je crois que cette rencontre a été déterminante pour nous, et pour moi particulièrement, et pour l'avenir du Centre d'éthique clinique. Peut-être aussi, et certainement, comme vous l'avez montré, pour le débat sur l'euthanasie qui continue aujourd'hui, 15 ans après, d'effrayer la chronique très régulièrement. Vous ne préférez pas la formule de suicide assisté plutôt qu'euthanasie? Alors, c'est ce que vous avez évoqué concernant Vincent Humbert. Et finalement, c'est intéressant parce que, effectivement, ce qu'il demandait, moi, il me l'a dit très clairement, c'est d'avoir le droit, comme tout citoyen, de choisir le suicide. Mmh. Il disait, tout le monde a le droit de se suicider ou la liberté de se suicider, dit-on. Et moi, je suis empêchée dans ma liberté du fait de mon accident. Donc au fond, ce que je demande, c'est un rétablissement de ma liberté de citoyen et d'être égal à tout le monde. Donc oui, sa demande s'exprimait à voix haute comme une demande de suicide assisté. Sauf que, classiquement, on entend par suicide assisté ce qui permet aux gens de se suicider eux-mêmes. Donc il aurait fallu, pour Vincent Humbert, qu'il puisse avec son pouce déclencher l'absorption de la substance létale. Or ça, d'abord c'était interdit en France, et puis c'est pas ce qu'on lui a proposé. Donc on lui a proposé à la place une euthanasie, en fait. Mais voilà, il y a une différence entre l'intention qui était « je demande à être aidé à me suicider » et la réalisation pratique qui était que comme il ne pouvait pas bouger rien du tout, ou quasi, eh bien, ça ne pouvait pas être un suicide assisté, c'était en fait une euthanasie qu'il demandait. Quel est votre souvenir de cette rencontre avec Vincent Humbert? Qu'est-ce qu'il vous a renvoyé, finalement, en tant qu'humain? Et dans la rencontre entre deux personnes humaines, l'une dans la situation dans laquelle on connaît, et puis vous, qu'est-ce qui s'est passé? Il était incroyable. D'abord, je crois que nous l'avons un peu, comment vous dire, déçu, parce que il nous a reçus parce que nous venions d'un centre d'éthique et qu'il s'est dit que peut-être ça permettrait aux médecins de se décider à l'aider. Et nous ne sommes pas arrivés à nos fins de ce point de vue-là. Mais cette rencontre, c'était un type qui occupait l'espace de sa chambre. Il avait une vitalité incroyable. Tout malade qu'il était et tout handicapé qu'il était, extrêmement atteint, comme vous l'avez fortement rappelé, il avait une présence qui était absolument exceptionnelle. Je me souviens, quand nous l'avons rencontré, c'était, je crois, le surlendemain de l'anniversaire de sa mère. Et il avait, grâce à son ergothérapeute, fait livrer un énorme bouquet de fleurs à sa mère. Et en secret, totalement, elle n'était pas au courant de cela. Voilà, c'était ce genre-là, Vincent Humbert. Il était vivant, terriblement vivant. Et sa mère? Alors qu'on connaît mieux, évidemment, puisqu'on l'a vu hein, dans les médias, on connaît son combat, tout le monde est admiratif. On a là la définition de ce qu'est une mère au plus absolu, finalement. Et sa mère, je crois que je l'ai vue à un moment où elle a basculé. C'était dans l'hiver 2002-2003. Et c'est au moment où elle a compris que finalement, effectivement, si elle voulait continuer de rester en contact étroit avec lui et en communication étroite avec lui, alors il fallait qu'elle accepte ce qu'il lui demandait. Ça a été un combat pour elle. Pendant plusieurs mois, elle a dit non. Et elle a joué la carte de la vie, comme tout le monde. Et c'était très dur, parce qu'elle racontait que, à ce moment-là, la communication avec son fils a été très difficile. Il n'était pas content qu'elle refuse. Et donc, il lui faisait payer cher, émotionnellement, et humainement, et relationnellement. Et quand nous l'avons rencontré, c'était au moment où elle a basculé, et elle a compris que c'était plus important de l'accompagner et de garder cette relation forte qu'elle avait avec lui, et pour cela, d'accepter de l'aider. C'est-à-dire qu'une personne qui donne la vie à un humain se retrouve en position de l'aider à quitter cette vie. C'est toute la dimension philosophique, humaine et quasi métaphysique hein, de cette affaire-là. Mais ça reste quand même, j'imagine pour vous, ne pas me dire le contraire, plus une question d'éthique du médecin qu'une question de justice. Et qu'une question politique, cela dit, la politique doit pouvoir mettre un cadre. Est-ce que c'est d'abord pour vous une question, la question du médecin et de son éthique avant toute autre chose? Oui, mais je n'aime pas parler d'éthique que du médecin. Il me semble que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une rencontre entre deux éthiques. Et ce qui est intéressant, c'est que si Vincent Humbert a fait ce choix, c'est précisément au nom de ses convictions éthiques les plus intimes. C'est-à-dire, ce n'est pas un choix de la facilité ou un choix de la souffrance. C'est un choix de « voilà comment je conçois ma vie d'homme » et « voilà comment je conçois ma liberté ». Et oui, c'est le mot-clé aussi, bien sûr. Ce qui est finalement, voilà, notre plus grand cadeau, probablement. Alors, est-ce que cette histoire de Vincent Humbert a vraiment relancer le débat? Est-ce qu'elle est avant tout, nous avons peut-être tout d'autre à faire, parce qu'elle a été médiatisée, alors positivement hein, pour le coup, une chambre d'écho qui était favorable, est-ce qu'elle est à l'origine de la loi Leonetti? On peut dire que cette affaire-là a débouché sur la loi Leonetti dont on va reparler, messieurs. Je crois que très clairement, la mission Leonetti a été mandatée après l'affaire Vincent Humbert, avec les hésitations de Jean-Pierre Raffarin et de Jean-François Mattei que vous avez rappelé. Oui. Ça, c'est sûr. Malheureusement, je pense que le texte auquel a abouti la mission Leonetti est un texte qui, finalement, ne proposait pas vraiment à Vincent Humbert ce qu'il aurait souhaité qu'on lui propose. Donc, oui, le débat a été relancé, mais il a abouti ailleurs que là où Vincent Humbert aurait espéré qu'il aboutisse. Justement, moi, je me posais une question. La préparation de ce texte, je me disais, est-ce que je dis que cette loi a créé de réelles avancées ou simplement des avancées? Quelle est votre réponse? Elle a créé des avancées ou ça a été... Non, elle a créé des réelles avancées. Mmh. D'abord parce que c'est une première loi sur le sujet et aussi parce que, par exemple, elle a imposé que les gens discutent en collégialité et en équipe de ces questions-là. Et que les choses ne se fassent plus sous le manteau, comme on les faisait avant, dans l'intime de sa conscience. Elle a aussi permis que, à chaque fois, la question puisse être posée publiquement. Enfin, publiquement, j'entends, dans l'enceinte hospitalière. Mmh. Donc, ça a été des réelles avancées. Et puis, elle a aussi redit la nécessité de ne pas aller vers l'acharnement thérapeutique ou l'obstination déraisonnable, comme le dit la loi. Mais, elle n'a pas été jusqu'à apporter la réponse que souhaitait Vincent Humbert. Et ça, il faut le rappeler. Que souhaitait Vincent Humbert et que d'autres ont souhaité après, et que d'autres peut-être souhaiteront encore, on est bien d'accord. Tout à fait. Comme vous l'avez rappelé, la seule façon qu'aurait pu avoir Vincent Humbert de se saisir de la loi pour obtenir ce qu'il voulait, c'était de dire à son médecin, « Ok, puisque la loi me l'autorise, je vais vous demander d'enlever ma sonde d'alimentation et hydratation de façon à ce que je puisse mourir sans être alimenté ni hydraté, puisque cette sonde est un traitement médical et que la loi Leonetti a introduit cette possibilité de renoncer à tout traitement médical, y compris la sonde d'alimentation et hydratation, ce qui n'était pas le cas précédemment. La sonde d'alimentation et hydratation, à l'époque, n'était pas considérée comme un traitement. Véronique Fournier, on va écouter ensemble un reportage éclairant. Notre reporter, Annel Verzo, est allé à Chaumont à la rencontre de Guy, qui est atteint d'une maladie incurable, souhaite préparer sa mort. Notre reporter a également rencontré Claude Durie de l'association Ultime Liberté, que vous connaissez peut-être. Claude Durie est partisan de l'euthanasie à la Suisse, c'est-à-dire pratiquer chez soi, dans l'intimité. Et nous allons assister au premier rendez-vous entre Guy et Claude. Je vous propose de vous asseoir. Claude, on est chez vous. Et aujourd'hui, on se trouve avec... Je ne sais pas si on donne votre prénom ou pas. Ah si, on va donner mon prénom, Guy. Et Guy, vous, pour quelle raison est-ce que vous avez souhaité venir jusqu'à Claude aujourd'hui? Eh bien, moi, parce que je suis malade depuis un certain nombre d'années, une dizaine d'années, suivi pour... des cancers à répétition. Voilà, ça fait 10 ans que je bataille, que j'essaye de rester dans la vie, malgré tout. Et puis aujourd'hui, je crois que c'est en train un petit peu de se compliquer. Voilà, j'ai une énième récidive et qui touche plusieurs organes, dont les os. Et je sais que c'est pas une fin très agréable, le cancer des os. Voilà, donc ça fait longtemps que j'avais envisagé. Bon, pour l'instant, j'étais juste resté dans la bataille contre la maladie, mais j'avais dans un coin de ma tête que j'avais pas envie de finir sur un lit d'hôpital. Aller jusqu'au bout du bout. J'ai envie de finir bien. Bien pour moi, bien pour mes proches aussi. Voilà, j'ai pas envie que les gens qui m'aiment me voient dégradé. Donc, j'envisage d'essayer de finir le plus dignement possible, le plus tard possible aussi, bien sûr. Oui, il y a une histoire de dignité. C'est un mélange des deux, parce que c'est aussi de la lâcheté peut-être par rapport à la souffrance, mais J'ai pas envie de souffrir inutilement, de porter moi cette souffrance et de la faire porter aux autres. Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez un métier ? Ouais, je suis dans le spectacle. Je suis dans le spectacle vivant. Théâtre, chanson. J'ai quand même traversé des périodes de désespoir aussi, hein, de bouleversement, où on se demande si psychologiquement on va réussir à redémarrer derrière. Et malgré la maladie, vous arrivez à continuer à travailler ? Ben oui, j'ai réussi malgré tout pendant ces 10 années. Même au début, ça m'est arrivé de me retrouver sur scène en étant la veille à l'hôpital, sur des interventions. Ouais, j'ai essayé de rester dans la vie, ça me paraissait important. Vous avez quel âge ? 51 ans. Mmh. Ouais. Vous avez une famille avec des enfants ? Mmh. Ouais, j'ai une famille avec des enfants, grands, heureusement. Tiens, un visiteur. Il y a le chat qui vient squatter sur vos genoux. Pensez qu'ils s'en doutent quelque part ? Qu'ils y ont pensé aussi ? Forcément, je pense. Je crois que quand le mot cancer rentre dans une famille, on pense à la mort, tous. Est-ce qu'il y a une histoire de liberté aussi ? La liberté de choisir ? Oui, bien entendu, ouais. Bon, après, si on a la vraie liberté, c'est de choisir de vivre, bien sûr, mais... Claude, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Guy ? J'entends son combat, le combat de 10 années, et c'est quelque chose que j'entends régulièrement dans les personnes qui nous contactent. Ce qu'on observe, c'est la personne elle-même, elle sait. Elle est arrivée à un stade, mais c'est l'entourage qui n'est pas arrivé à ce stade. Et c'est à son entourage qu'il est très difficile d'annoncer le jour et l'heure, comme Madame Jospin l'a fait. Et c'est sa responsabilité. Sa fin de vie, c'est sa responsabilité. C'est pas quelqu'un qui va lui dire c'est le bon moment ou c'est pas le bon moment. Donc c'est tout ce travail d'accompagnement, ce qu'on appelle un travail d'accompagnement, en sachant que c'est la personne qui décide pour elle et jusqu'à la fin. Une chose est sûre, c'est que j'aimerais serrer dans mes bras une dernière fois ceux que j'aime. La mort, c'est un choix. Et les personnes disent quand même à chaque fois merci, merci. C'est une délivrance. Ceux qui restent vont avoir mal. Ça, c'est une souffrance de l'un contre la souffrance de l'autre. Il faut préparer son entourage. Il faut préparer beaucoup ceux qui sont autour de nous et qui ne vivent pas notre démarche, en fait. Voilà. Vous voulez déjeuner avec nous ? Bien volontiers. Super. Voilà, et avant qu'il ne se quitte sur le quai de la gare de Chaumont, Guy a fait une confidence importante à Anaëlle Verzeau, lui disant, lui assurant, lui affirmant que son témoignage sur France Inter, celui que vous venez d'entendre, serait aussi une révélation pour ses proches. Voilà, Véronique Fournier, qu'est-ce que vous inspire ce que vous venez d'entendre ? On ne peut qu'être ému profondément par cette façon de dire les choses. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a très peu de gens qui sont capables d'avoir ce courage, pourrait-on dire, ou cette liberté. Et que il ne faudrait pas que tout le monde pense que c'est ça qu'il faut faire absolument. Il y a des tas de gens qui voudraient bien, mais qui n'ont pas les moyens d'aller jusque-là. Et cela aussi, il faut pouvoir les aider à un moment quelconque. Ce que je veux dire, c'est que le choix de Vincent Humbert ou le choix de Guy, il y a très peu de gens. Il y a peut-être 1% des gens qui peuvent aller jusqu'au bout de ce choix-là. Tout le monde voudrait bien avoir la pilule dans le tiroir et se dire le jour où j'en aurai besoin, je la prendrai. Mais quand le jour arrive, ça peut être une exactement. Autre histoire, bien sûr. Et donc, voilà, c'est ça qu'il faut ne pas oublier, c'est que ça concerne très très peu de gens. Le vrai droit à l'euthanasie, à la Belge ou à la Hollandaise ou à la Suisse, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. C'est une liberté supplémentaire, d'ailleurs, effectivement. D'ailleurs, l'association dont s'occupe Claude Uri, que nous venons d'entendre, l'un des deux témoins, s'appelle l'association Ultime Liberté. Hein, elle est bien nommée, Ultime Liberté. Voilà, ultime et d'une certaine façon exceptionnelle. C'est-à-dire qu'une fois de plus, c'est pas évident pour personne de porter ses choix jusqu'au bout. Et il faut pas s'en vouloir si on n'y arrive pas, parce que voilà, on a tous des considérations familiales, sociales, personnelles différentes. Et on a tous des qualités et des moindres courages à certains endroits, etc. Ce n'est pas forcément moins courageux de continuer sa vie jusqu'au bout du bout. C'est ce qu'il dit du reste, Guy. Il dit, c'est aussi de la lâcheté quelque part. Donc, à chacun son choix. Il ne faut rien imposer à personne. L'ultime liberté. Un mot sur ce qui se pratique en Suisse et en Belgique, pour que ça soit très clair. Oui, la Suisse, en Suisse, ce que vous pouvez espérer, c'est une aide au suicide. Et ce n'est pas illégal d'assister quelqu'un à se suicider. En revanche, il n'y a pas d'euthanasie active en Suisse. Et en Belgique, à l'inverse, ce qui est autorisé, c'est l'euthanasie active dans certaines conditions, mais pas le suicide assisté a priori. Alors en France, quelles sont les évolutions votées en mars dernier à l'Assemblée nationale ? Elles ont été votées par l'Assemblée nationale, mais elles ont été retoquées par le Sénat. Oui. Et elles sont actuellement en navette entre les deux chambres. Donc personne ne sait exactement comment ça va se terminer, cette affaire-là. Le vote de mars dernier a introduit deux différences importantes par rapport à la loi précédente. Elle a introduit un droit à avoir une sédation continue et profonde jusqu'à la mort. Droit qui devrait être accordé aux patients qui le demandent, qui en font la demande, ou qui en ont fait la demande anticipée dans des directives anticipées. Et, voilà, elle renforce aussi le droit de voir appliquer ses propres directives anticipées. C'est ça les deux avancées, ou les deux nouveautés de la loi. Vous êtes optimiste pour que ces dispositions importantes puissent se transformer en loi et être appliquées, donc en droit ? Ce qui m'impressionne, c'est qu'elles sont très controversées. Et je crois que si elles sont très controversées, c'est précisément parce que elles ne sont pas allées assez loin. C'est-à-dire qu'offrir un droit à être endormi, c'est pas vraiment ce que les gens demandent. Si les gens ont une demande, comme celle de Guy ou d'autres, c'est d'être aidé à mourir. Et pas d'être aidé à dormir. Et d'une certaine façon, je ne suis pas sûre que cette façon de dire les choses dans la nouvelle loi change tellement les difficultés sur le terrain, au quotidien, des gens qui demandent à être aidés à mourir. Dernière chose, Véronique Fournier, il nous reste une minute. Que faites-vous au quotidien au centre d'éthique clinique de l'hôpital de Cochin ? Qui voyez-vous et que dites-vous ? Nous sommes sollicités lorsqu'une décision fait conflit entre le patient ou ses représentants et une équipe. Et ces conflits peuvent s'intéresser à des tas de situations différentes. Ça peut concerner des questions de fin de vie, comme celles dont on vient de parler, mais ça peut concerner d'autres choses, par exemple des stratégies thérapeutiques. Est-ce qu'on a le droit de prélever un morceau de foie chez cette dame pour essayer de sauver son mari qui est en train de se mourir du foie ? Alors que lui n'en veut absolument pas du foie de sa femme. Ou est-ce que on peut interrompre cette grossesse pour un problème concernant l'enfant, alors que les médecins considèrent que finalement c'est pas un très grave problème. Bien, merci Véronique Fournier, merci infiniment. Je rappelle le titre du livre que vous avez écrit et publié, donc Puisqu'il faut bien mourir, édité chez La Découverte. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le dossier Vincent Humbert, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Merci Renaud May qui était à la technique aujourd'hui.